إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous nous sommes arrêtés au point numéro 4 إن شاء الله. النقطة الرابعة حكم اتباع والانتساب إلى السلفية. Le jugement concernant le suivi et l'affiliation à la سلفية. أقول Donc c'est Cheikh Abdullah Hafizahullah Ta'ala qui parle, il dit, je dis كُلُّ مُسْلِمٍ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ لِيُصَلِّيَ لِلَّهِ فَرْضًا أَمْ نَفْلًا لَا بُدَّ وَأَنْ يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ أَعْنِي سُورَةَ الْفَاتِحَةِ. Tout musulman qui se positionne, qui est debout face à la Qibla, en direction de la Kaaba à la Mecque, pour accomplir une prière, la Salat, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire, que ce soit une prière obligatoire ou une prière conseillée. Obligatoirement, pour lui, il devra réciter la sourate Al-Fatiha, la mère du livre. وهي ركن من أركان الصلاة. Et elle est considérée, elle est un pilier parmi les piliers de la salat. C'est-à-dire que c'est une action qui obligatoirement doit avoir lieu. Elle ne peut pas être corrigée. Il y a des actions dans la salat, s'ils viennent à manquer, à être oubliés, la personne elle peut corriger en faisant à la fin, ce jour de Sahou. À titre d'exemple. Mais pour un pilier, il faut obligatoirement sa présence dans la raka. Obligatoirement sa présence dans la raka. Et Al-Fatiha, elle en fait partie. Réciter d'autres sourates, des versets, ça c'est recommandé. Hein, la prière, elle est valide sans les autres sourates, sans les autres versets récités. Si quelqu'un ne récite que le Fatiha, il s'est contenté du minimum. Sa prière, elle est valide. Si quelqu'un récite tout le Coran, depuis le Baqara jusqu'à Nas, sans réciter le Fatiha, sa prière, elle est invalide. Elle est caduque. Donc la Fatiha, elle a cette place qui est qu'elle est pilier. C'est un pilier dans la salat. Wa fiha qawluhu ta'ala ihdina s-sirata Al-Mustaqim. Et on retrouve dans cette sourate, il s'y trouve, la parole du Très-Haut, dans le sens du verset, guide-nous vers le droit chemin. Guide-nous sur le droit chemin. أي يطلب من الله أن يهديه الصراط المستقيم. C'est-à-dire que la personne, dans sa salat, en récitant ce verset, il demande à Allah, Azza wa Jal, de le guider vers la voie droite, sur la voie droite, de le raffermir dedans. Donc ça, la demande de guider, elle comporte tous ses sens. De te guider vers ce chemin droit, hein, d'accord ? De te guider sur ce chemin droit, de te raffermir sur ce chemin droit. لكن ما هو هذا الصراط المستقيم الذي نطلب الله أن يهدينا إليه؟ Voilà la question qui se pose et qu'on se doit de se poser, que chacun se doit de se poser. Mais on demande à Allah de nous guider vers le droit chemin. Mais quel est ce droit chemin, cette voie droite pour laquelle nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous y guider? Al-Jawab, la réponse. تقاربت عبارات أهل العلم في معناه. Les paroles, les citations des gens de science à ce sujet se rapprochent, même si les uns les autres emploient des mots, des phrases différentes, mais au final elles se rapprochent. Ça veut dire la même chose. واختصره لك الإمام أبو العالية الرياحي رحمه الله فقد أخرج الإمام ابن جرير الطبري في التفسير بسند حسن أن حمزة ابن المغيرة قال سألت أبا العالية عن قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر قال فأتيت الحسن فأخبرته بذلك يعني ما رأيك فقال صدق ونصح. Donc, et l'explication, le commentaire de ce verset coranique, اهدنا الصراط المستقيم, nous a été résumé par l'imam Abu al-Aliya al-Riyahi rahimahullah. L'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah rapporte dans son tafsir, dans son commentaire du Coran, avec une chaîne de narration bonne, que Hamza Ibn al-Mughira rahimahullah a dit: j'ai questionné Abu al-Aliya, celui qu'on a cité son nom tout à l'heure, al-Riyahi rahimahullah, sur la parole d'Allah, élevé soit-il, اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ, dans le sens du verset, guide-nous vers, sur le droit chemin. Il répondit, c'est le messager d'Allah. Le chemin droit, c'est quoi? C'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses deux compagnons après lui, Abu Bakr et Omar. C'est eux le chemin droit. C'est eux la voie droite. Puis, celui qui a questionné, Hamza ibn al-Mughira, va aller voir Al-Hassan. Sûrement, il a voulu Al-Hassan al-Basri, rahimallahu al-Jamia. Et il lui a informé, j'ai questionné un tel, et il m'a donné telle réponse. Il voulait par là l'opinion, l'avis de Al-Hassan. Et Al-Hassan, rahimahullah, a dit, il a dit vrai. Et il a été un bon conseiller. Il t'a bien conseillé et il a été véridique. تريد أن يهديك الله الصراط المستقيم. Tu veux qu'Allah te guide vers, sur le droit chemin. فالزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والزم سنة أصحابه وطريقة أصحابه من بعده. Donc tu veux qu'Allah tabaraka wa ta'ala te guide vers le droit chemin, sur le droit chemin, alors cramponne-toi, sois attaché à la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et soit attaché à celle de ses compagnons et le chemin sur lequel étaient ses compagnons après lui. وَعَلَى رَأْسِهِمْ Et à la tête de ses compagnons, الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ Les califes bien guidés, les quatre califes bien guidés, et à leur tête de ces quatre califes bien guidés, les deux premiers, Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhum. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم التأويل. L'imam, le grand savant, Ibn Qudama al-Maqdisi, alayhi rahmatullah, c'est une famille de savants, inconnus dans le madhab al-Hanbali, et des grands savants qui ont défendu le hadith et la aqidah des salaf, rahimahumullah ta'ala, on les appelle al-Maqdisi, comme Abdul Ghani al-Maqdisi, Ibn Qudama Muwaffaquddin al-Maqdisi, parce qu'ils sont originaires de Jérusalem, qu'on appelle en arabe Baytul Maqdis. Et celui qui est affilié à cette ville, qui est originaire de cette ville, on l'appelle Al-Maqdisi. À ne pas confondre avec le grand tekfiri de notre époque qui s'appelle Abu Muhammad Al-Maqdisi. Je ne sais pas s'il est Maqdisi, Allahu A'lam. C'est un Jordanien, bien que c'est vrai qu'en Jordanie, une bonne partie de la population, ils sont d'origine palestinienne. D'accord ? Mais il porte un nom qui est attirant, mais c'est une des têtes du tekfir et des khariji de notre époque. Qu'Allah lui donne la sentence qu'il mérite. Donc cette famille de Al-Maqdisi, mais eux ils n'habitaient pas à Jérusalem. Leur famille, ça faisait longtemps qu'ils avaient quitté Beit al-Maqdis à cause des croisades. À cause des croisades. Donc ils se sont installés à Damas. Donc cette famille de Al-Maqdisi, ils étaient à Damas, dans un secteur de Damas, pas loin du centre-ville, qui s'appelle Jebel Qasyoun, la montagne de Qasyoun. Il y a des habitations et des quartiers sur cette montagne. Et il y a leur grande mosquée qui n'existe qu'aujourd'hui. On l'appelle Masjid al-Hanabila. La mosquée des Hanbali. C'était leur mosquée. C'était là où ils avaient leurs enseignements. Donc, ils vécurent au 4e, 5e, 6e siècle de l'Hégire. Rahimahumullah. Donc, Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullahu ta'ala, il dit dans son livre Dhammu al-Ta'wil, la réprimande, le rejet, la critique faite contre le ta'wil. Ici, le ta'wil, il est voulu, le sens connu à leur époque et à notre époque. C'est le tahrif, l'altération, la mauvaise explication donnée au texte, détourner les textes de leur véritable sens. Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe tahrif. C'est ce qu'ils faisaient les gens d'avant, avant l'islam. Comme Allah, il a parlé des gens du livre. Yuharrifun al-Kalim. Ils altèrent les paroles, les textes. Et dans notre communauté, il y en a qui le font. Mais ils ne diront pas on altère. Ils ne diront pas on fait du tahrif. Ils disent on fait du ta'wil. On fait de l'interprétation, mais ce n'est pas le vrai sens. En vrai, c'est un mot pour cacher la réalité. C'est quoi qui sonne ? Le frère, il prend son téléphone, il l'éteint. C'est qui a mis son téléphone là-haut? Donc, ils font de l'altération, mais ils changent le nom en pensant que ça va changer la réalité. C'est clair que changer le nom, en mentant aux gens, ça marche. Les gens, ils tombent dedans, dans le piège. Mais au final, ça ne changera pas la réalité des choses. Donc, c'est l'altération. Et dans le Coran, dans la Sunna, chez les premiers musulmans, lorsqu'ils emploient le mot ta'wil, c'est dans le sens de tafsir, dans le sens de sharh, l'explication, le commentaire, à ne pas confondre avec le sens qu'on lui a donné plus tard. Donc, d'où l'importance de savoir un terme, qu'est-ce qu'il veut dire au moment où il est employé et par qui il est employé. Par exemple, Ibn Jarir al-Tabari, on a cité son nom tout à l'heure, hein, qui est l'imam des Mufassirin, l'imam des exégètes du Coran, du Coran. Son livre, il s'appelle comment ? Jami'ul Bayan, fi ta'wili ayi al-Quran. D'accord ? Fi ta'wil ayi fi tafsiri. Lui, il emploie ici ta'wil dans le sens de tafsir. Parce que les gens du faux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ancrer chez les gens une signification des mots. Jusqu'à ce que les gens, quand ils entendent le mot, ils le comprennent. De cette manière-là. Puis on leur fait croire que tel mot, et ce n'est pas une invention, il existe même dans les textes, et que les gens depuis les premiers temps l'ont toujours fait. Alors qu'en réalité, le mot il existait, mais il n'avait pas le sens que eux, ils lui donnent. Eux, c'est un détournement qu'ils font. C'est comme le shirk, hein, ils ne l'appellent pas le shirk. Les soufis, vous croyez que quand les extrémistes parmi eux, lorsqu'ils font du shirk, ils vous disent on fait du shirk? Non. Ils disent on fait du tawassul. C'est du tawassul. Et puis après, ils vont te ramener des textes où il est marqué le mot tawassul. Pour faire croire que ce qui est dans les textes, c'est bien ce que les gens font. Wallahu al-musta'an. Donc, l'imam ibn Qudama, rahimahullah, dit لأنه صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم. Pourquoi le messager d'Allah? Parce que lui, il est sur le droit chemin. فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة. Donc celui qui prend son chemin, qui est sur sa même, la même voie que lui, il est sur la voie, le chemin droit. Il est dans la voie droite. Il ne fait aucun doute là-dessus. فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت. Donc il est un devoir, une obligation pour nous tous de le suivre, de s'arrêter là où il s'est arrêté et de se taire là où il s'est tu. عليه الصلاة والسلام. وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد المسألة العشرون وهي ما هو الصراط المستقيم. Le grand savant, le cheikh de l'islam, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit dans son ouvrage Bada'i'u al-Fawa'id, dans la question ou le point, le 20e point, il dit, et c'est quel est le droit chemin? Quelle est la voie droite? فَنَذْكُرُ فِيهِ قَوْلًا وَجِيزًا فَإِنَّ النَّاسِ تَنَوَّعَتْ عِبَارَاتُهُمْ فِيهِ وحقيقته شيء واحد. Il dit, alayhi rahmatullah, nous allons citer une parole concise là-dessus pour expliquer qu'est-ce que le chemin droit, la voie droite. Les gens, c'est-à-dire les savants de l'islam, ont eu différents termes employés pour expliquer quelle est la voie droite, le chemin droit. Mais au final, sa réalité n'est qu'une. Au final, sa réalité n'est qu'une. Et c'est طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله. C'est le chemin d'Allah, la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il a mis à la disposition des gens, de ses créatures, sur la langue de ses messagers. Il a envoyé des messagers pour expliquer, enseigner aux gens quel est le chemin qu'il faut entreprendre. Le chemin d'Allah Azza wa Jal. Donc ce chemin enseigné, expliqué par les messagers, c'est le chemin d'Allah Azza wa Jal. وَجَعَلَهُ مُوصِلًا لِعِبَادِهِ إِلَيْهِ. Et il en a fait de ce chemin, Allah subhanahu wa ta'ala, un moyen qui amène vers lui. C'est le seul chemin qui mène à Allah Azza wa Jal. وَلَا طَرِيقَ لَهُمْ إِلَيْهِ سِوَى. Et il n'y a aucun chemin en dehors de celui-là qui mène vers Allah Azza wa Jal. Un seul. Tous les autres chemins, ils ne mènent pas vers Allah. À la tête de chacun d'entre eux, il y a un diable, un démon qui invite, qui appelle les gens vers lui. Un seul. Les soufis ont dit non, il y a plein de chemins. Tant qu'il y a des âmes, il y a des chemins. Il y a autant de chemins que d'âmes existantes, vivantes. On est des milliards, il y a des milliards de chemins qui mènent vers Allah. A'udhu billah. Ils contredisent le Coran, ils contredisent la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le diable a eu raison d'eux. Puisque le Coran et la sunna, ils ne reviennent pas vers eux. Ils reviennent vers leur passion, vers leur raisonnement qui est faussé, qui est malade, atteint. Et il croit avoir atteint quelque chose. Mais quelle est la pire des personnes si ce n'est celui qui agit dans ce bas monde en croyant bien agir, alors qu'en réalité, il ne fait que s'éloigner d'Allah, Azza wa Jal. بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا. Mais plutôt, tous les chemins sont fermés, scellés, sauf celui-là. C'est le seul qui est ouvert. وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة. Et c'est d'unifier Allah تبارك وتعالى dans son adoration. Ce chemin, il consiste en quoi ? À adorer Allah seul sans rien lui associer. Il est unique en cela. Et d'unifier son messager dans l'obéissance. Aucune créature ne doit être obéie comme on obéit au prophète alayhi salatu wassalam. فَلَا يُشْرَكُ بِهِ أَحَدًا فِي عُبُودِيَّتِهِ وَلَا يُشْرَكُ بِرَسُولِهِ أَحَدًا فِي طَاعَتِهِ. On n'associe personne à Allah dans son adoration. De même qu'on n'associe personne à son messager dans son obéissance. فَيُجَرِّدُ التَّوْحِيدِ. Vous avez eu Jarradu ? Ceux qui l'ont, hein ? Et regardez juste après. وَيُجَرِّدُ مُتَابَعَتَ. D'accord ? Donc, Inch'Allah, le plus sûr, c'est un kasra. يُجَرِّدُ. فَيُجَرِّدُ التَّوْحِيدُ. Il est parlé à la personne ici. Il doit faire cela. وَيُجَرِّدُ مُتَابَعَتَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Donc, il fait en sorte qu'il n'adore que Allah seul, sans rien lui associer. Et il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam seul, sans rien lui associer. C'est-à-dire il ne suit personne d'autre, si ce n'est le prophète alayhi salatu wa sallam. Fabina'an ala ma sabaka mukhtasaran. Ici se termine la parole de Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah. Puis le cheikh nous dit, Fabina'an ala ma sabaka mukhtasaran, ma hukmu اتباع سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه رضي الله عنهم إذن. Vu ce qui a précédé en résumé comme explication, quel est donc le jugement du suivi de la voie du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et la voie de ses compagnons رضي الله عنهم. الجواب, la réponse. Wajibun la mahida anhu. C'est un devoir, une obligation. On ne peut échapper à cela. Wa adillatu hadha al-wujub kathiratun min al-kitab wa as-sunnah law ta'ammalta. Et les preuves, les arguments de cette qui prouvent cette obligation sont nombreux dans le livre, dans la sunna, si tu médites et tu réfléchis là-dessus. Donc, les gens, ils disent, nous, on revient au Coran et la Sunna. Non, ce sont que des paroles. Les paroles restent des paroles. Mais on voit les actes. Les juifs à Médine ont dit, on aime Allah. On a l'amour d'Allah. Tayyib, ce sont des paroles. Nous allons voir avec les actes, est-ce que ça se concorde ou pas. Allah, il leur révèle le verset de l'épreuve. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ. Dit, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. Suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. À ce moment-là, Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Wallahu ghafur rahim. Et Allah, il est le pardonneur et il est le miséricordieux. Ahmad, de dire seulement des phrases, tout le monde peut prétendre ce qu'il veut. Mais c'est le jour de l'épreuve, à l'examen qu'on voit réellement. Donc c'est bien beau de dire on aime le prophète, mais toute la journée, toute la nuit, tu ne fais que lui désobéir. Tu fais le contraire du prophète en sallam, tu le contredis. Ce ne sont que des prétentions. L'amour du prophète en sallam ne se reconnaît pas avec des actes de désobéissance, avec des actes de mécréance, avec des actes de polythéisme. On entend souvent, surtout les soufis, ou leurs semblables, leurs similaires, hein, prétend, nous on aime le prophète, nous on cite le nom du prophète, nous on lit la vie du prophète. Taïb est le résultat. Bien sûr, il faut lire la biographie du prophète sallam. Plus on l'aime et plus on cherche à le connaître. Subhanallah. Et si on le prend comme exemple, il faut le connaître. Alayhi salatu wassalam. Mais ces gens-là disent des choses, puis ils font le contraire. Là, le mois, là, Rabi' al-Awwal. Ils veulent fêter la naissance du prophète sallallahu. Jamais Allah tabaraka wa ta'ala n'a rêvé ce genre de règle. Ça n'existe pas. Aucun prophète n'a dit à son peuple de célébrer la naissance. Qu'est-ce qu'on célèbre exactement? Qu'est-ce qu'elle a gagné la personne? Elle a gagné une année? Mais si tu gagnes une année, c'est que tu perds dans ta vie. L'année dernière, il te restait 20 ans à vivre. Maintenant, il te restera 19 à vivre. Donc tu fêtes quoi exactement? Qu'est-ce que tu fêtes? Subhanallah. Ça n'existe pas. Les chrétiens ont inventé la célébration de Noël. Ils ne sont pas d'accord sur la date. Certains ont eu le dessus, ils ont imposé une date. Mais à la base, entre eux, ils ne sont pas d'accord sur cette date-là. Et ils ont inventé cela. Et certains de la communauté musulmane pensent qu'il faut imiter. Comme l'a dit le prophète, sallam, vous allez en arriver à les imiter, les gens du livre. Pour tout le temps être juste derrière eux. La distance d'un empan, vous restez tout le temps derrière eux. Là, même ils viennent rentrer dans un trou d'une bête, vous y entrerez aussi dedans. L'imitation. Il n'a pas dit vous allez imiter les hindous. Il n'a pas dit vous allez imiter les bouddhistes. Ou qui que ce soit d'autre. Subhanallah. Regardez, il a dit les gens du livre. Et regardez, aujourd'hui, en général, dans la communauté, ceux qui imitent, ils imitent qui? Ils imitent qui? Les gens du livre. Subhanallah. لَتَتَّبِعُونَ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِالشِبْرِ وَذِرَعْ بِذِرَعْ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبِّنْ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا آلْ يَهُودُ وَالنَّصَارَ قَالَ فَمَنِ النَّاسِ. Donc ça c'est, le prophète a prédit que cela arrivera. Pendant 400 ou 600 ans, c'est-à-dire plusieurs siècles, jamais la communauté musulmane ne connaissait une chose qui s'appelle célébrer la naissance. Ça n'existe pas. Pendant minimum 400 ans. Minimum 400 ans, ça n'existe pas. Aucun musulman ne connaissait cette notion-là. Jusqu'à que une secte qui a pris le pouvoir dans certains pays, en l'occurrence en Égypte, qui se faisait appeler l'Obeidiyoun, qui était apparu au Maghreb, puis ils se sont retrouvés en Égypte. Ils se sont fait appeler Al-Fatimiyoun, les Fatimides, pour montrer aux gens qu'ils ont un lien avec Fatima, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour dire qu'ils ont une bonne lignée. Ils touchent les sentiments des gens, de la population. Et ils ont voulu éloigner les gens des mosquées. Ce sont les premiers, il paraît, qui ont inventé ces endroits où les soufis se réunissent pour leur soi-disant rappel, le zikr, les zawaya, ces endroits-là, alors qu'à l'origine les musulmans ne connaissent aucun lieu de culte si ce n'est la mosquée. C'est la mosquée. La mosquée, c'est l'endroit de la prière, du recueillement. Donc, ils les ont éloignés des mosquées et ils leur ont ramené la célébration de ce qu'ils appellent al-Mawlid, la naissance du prophète. Alayhi salatu wa salam. Puis, comme les innovateurs ont l'habitude de faire, ils essaient, ils ont une conviction, Puis ils essayent de trouver dans les textes ce qui va réconforter. Ils font tout le contraire de la sunna. La sunna, c'est on a les textes, puis on a des convictions. On n'a pas une conviction qu'on s'invente, puis on va chercher dans les textes qui va nous réconforter. Ça, c'est le contraire. Donc, ils cherchent. Puis, ils trouvent des semblants de preuves. Mais comme les ulama de la sunna disent, les preuves qu'ils ramènent, ce sont des preuves contre eux. Là où eux croient qu'elles sont en leur faveur, ce sont des preuves contre eux. C'est pour cela, ne soyez jamais étonnés qu'un innovateur ramène une preuve. Comme disait Cheikh Al-Albani, il n'y a pas un innovateur qui n'a pas un texte pour s'appuyer. Donc il y a des gens aujourd'hui qui viennent dire, oui mais il a un dalil. Qui tu es toi déjà pour dire il a un dalil? Qu'est-ce que tu en sais toi qu'il a un dalil? Subhanallah. Il te récite quelque chose, qu'est-ce que tu en sais à ton niveau? Tu ne sais même pas. Subhanallah. Donc les gens, les pauvres, il a un dalil. Déjà premièrement, ce n'est pas à toi de juger. C'est faux. Tu demandes aux gens de science. Tu demandes aux gens de la sunna. Pour savoir. Tayyib. Donc, ils vont te parler de quoi? De la grandeur, de la place, du statut, du degré qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils font du hors-sujet. Comme si toi qui es face à eux, ou face à cette personne, tu remettais en cause la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou que tu rabaissais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou tu dénigres le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Donc, il va te ramener tout ce qui parle de la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour au final dire on a le droit de faire ce qu'on fait. Subhanallah. C'est du hors-sujet. Subhanallah. Du hors-sujet. Donc, et aussi l'arme qu'ils ont aussi, c'est de t'attaquer. De te mettre mal à l'aise. Et de dire aux gens, celui-là, il n'aime pas le prophète. C'est pour cela qu'il ne veut pas qu'on célèbre sa naissance. Alayhi salatu wassalam. Donc c'est l'arme du faible. Lorsqu'ils n'ont plus les moyens, ils essaient de trouver d'autres moyens pour se défendre. Donc ce n'est pas la recherche de la vérité qui est voulue là-dessus. Tayyib. Ils disent, on a un hadith. Oui. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu jeûnes le lundi? D'accord. Et dans un des textes authentiques, il a dit, ça c'est un jour dans lequel je suis né. Il est né un lundi. Tayyib. Contente-toi de ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quoi? Il l'a jeûné. Jeûne tous les lundis. Et en plus de cela, la preuve comme quoi le texte ne va pas dans votre sens, c'est qu'il parle de la journée du lundi qui se répète toutes les semaines. Et vous, vous célébrez la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour dans l'année et ce n'est pas toujours un lundi. Donc ce texte-là n'est pas en votre faveur. N'est pas entre vous. Vous comprenez? Ça, c'est un petit exemple. Si vous écoutez les ulama, comment ils décortiquent, subhanallah, alhamdulillah, Allah y mettra toujours les hommes de science pour protéger et préserver la religion. Le sait celui qui le sait, l'ignore celui qui l'ignore. Donc, ils sont contradictoires. Ils ramènent des textes qui ne sont même pas. Pourquoi tu ne fais pas ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça, pourquoi tu le jeûnes? C'est un jour dans lequel je suis né. Donc c'est là il est voulu le bienfait du lundi en tant que journée de la semaine. Et dans d'autres récits, il est question du lundi et du jeudi. Pourquoi il le jeûne? Parce que ce sont les deux jours dans lesquels les œuvres sont élevées auprès d'Allah Azza wa Jal. Et je veux que mes œuvres elles soient élevées auprès d'Allah et que je sois en état de jeûne. Subhanallah. Voilà. Wallahul Musta'an. Donc ça, ce sont des innovations que jamais, d'abord, si on demande à quelqu'un comment le prophète sallam célébrait sa naissance et à quel endroit dans Médine il se réunissait avec ses compagnons pour le célébrer. On attendra la réponse jusqu'à l'heure qu'elle sonne. Après sa mort, comment les califes le faisaient? De quelle manière? Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Comment ils le fêtaient? Ils le célébraient? La réponse, vous allez attendre jusqu'à que l'heure elle sonne. C'est pour montrer aux gens, réfléchissez un peu. Si vous dites que celui qui ne célèbre pas la naissance du prophète n'aime pas le prophète, c'est une accusation à l'encontre de tous ceux qui ne l'ont pas fêté. Et en premier lieu, les meilleurs des hommes après les prophètes, les compagnons. Ils ne l'ont jamais fait. Chez nous, ils disent, on est malikite, l'imam Malik, c'est... Tayyib. Montrez-moi où est-ce que l'imam Malik a célébré la naissance du prophète. Il ne connaissait pas. Il n'a jamais entendu parler de ce que vous faites. Subhanallah. Tayyib. Et ils vont vous dire, mais ce n'est pas tout ce qui n'a pas été fait à l'époque que c'est mauvais. Parce qu'il y a une chose qu'on appelle les bid'ah hasana. Oui, mais non, mais il y a des gens, ils ont réponse à tout. Hein? Bid'ah hasana. Ah, tu savais pas? Bah oui, il faut que tu le saches. Il y a des bid'ah hasana. Il y a des bonnes innovations. Wal'iyadu billah. Mais c'est comme ça qu'ils font. A'udhu billah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, le plus pur des hommes, qui a la meilleure langue, qui parle le plus clairement, Allah lui a donné le moyen de parler peu pour dire beaucoup. Alayhi salatu wassalam. Et il dit kullu bid'atin dalalah. Toute innovation est un égarement. Pour que des personnes viennent derrière dire non, la bid'at se divise en subhanallah. Le prophète il dit ça et d'autres personnes viennent contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le répétait à chaque discours, à chaque moment où il prenait la parole. Il disait wa kullu bid'atin dalalah. Et toute innovation est un égarement. Jamais les compagnons n'ont repris le prophète sallallahu alayhi wa sallam là-dessus. Ils ont toujours appris cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute innovation est un égarement. Et comme l'a bien dit Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, il a dit kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. Toute innovation est un égarement, même si les gens la voient bien. Parce que le but recherché, ce n'est pas est-ce que les gens la voient bien ou pas. Parce que si c'était ça la religion, il n'y a pas besoin d'envoyer des prophètes et faire descendre des livres. Chacun pourrait prétendre ce qu'il veut, subhanallah. C'est lui-même qui décide de savoir si telle ou telle chose allait bien ou pas dans la religion. Et comme Allah a dit dans le Coran, « Am lahum shuraka, shara'u lahum min ad-dini, ma lam ya'zan bihillah » Ont-ils des associés qu'ils ont donné à Allah, qui leur ont légiféré ce qu'Allah n'a pas permis? Puisque tu dis qu'il n'y a pas d'associé à Allah, donc d'où tu ramènes cela? C'est grave. Et comme a dit l'imam Malik rahimahullah, من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. Celui qui vient à prétendre que dans l'islam il y a des bonnes innovations dans le domaine religieux, on parle. Ne me parlez pas des fourchettes ou des verres ou des tables ou des voitures ou des trains. Hein, souvent, alhamdoulilah, maintenant les gens sont un peu mieux éveillés. Mais chez les tablirs, par exemple, souvent on avait ce genre. Ah bah donc on n'a plus le droit de prendre la voiture, plus le droit de prendre la mobilette, plus le droit de prendre la fourchette. Remerciez Allah lorsqu'il vous a épargné de réfléchir comme ça. Hein, il faut demander à Allah, il faut le remercier. Allah il t'a permis de pouvoir bien voir les choses. Tu remercies Allah Azza wa Jal. Celui à qui Allah avait mis un voile, nul ne pourra lui enlever. Subhanallah. Ils ne comprennent pas qu'on parle du domaine religieux. On parle d'actions qu'on accomplit pour se rapprocher d'Allah. On ne peut se rapprocher d'Allah que parce qu'il a légiféré. On ne doit adorer que lui seul et on ne l'adore que parce qu'il a légiféré. Amma les questions mondaines, la porte elle est grande ouverte. C'est une autre règle. Subhanallah. On parle du domaine religieux. Ils essaient encore de détourner la question. Ce n'est pas une question religieuse, le Mawlid. C'est des coutumes des gens. Ah bon? Vous allez faire croire que celui qui fait le Mawlid, il ne cherche pas à se rapprocher d'Allah. Subhanallah. C'est ajib. Allah. Même tablir pour le khuruj. Il y en a parmi eux qui en sont arrivés à dire ça. Non, le khuruj c'est un moyen. Donc le khuruj en lui-même, ce n'est pas une ibada. Vous ne cherchez pas à vous rapprocher d'Allah avec. Subhanallah, à qui vous dites ça? Subhanallah. Wallahu al-musta'an. On en était où? Non. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله فصلا نافعا في كتابه الفذ إعلام الموقعين. Et l'imam Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, il a mis un chapitre bénéfique dans son livre unique dans son genre, I'lam al-Muwaqqi'in. Le titre c'est I'lam al-Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin. L'information donnée à ceux qui signent. Al-Muwaqqi'in, c'est ceux qui signent. Il écrit, il met son nom. C'est lui qui est l'auteur de ces paroles. D'accord ? C'est comme dans le sens de la signature. C'est-à-dire, c'est toi qui reconnais qu'il a bien écrit, qu'il a bien rempli tout ce qu'il y a dans le formulaire, dans les sept écrits, là. Et ici, il est voulu les savants. Parce que les savants, lorsqu'ils parlent, ils parlent au nom d'Allah, Azza wa Jal. C'est une responsabilité. Les gens, ils vous posent des questions, vous répondez. Vous répondez au nom d'Allah Azza wa Jal. Tu signes au nom d'Allah Azza wa Jal. Que c'est bien ça la loi d'Allah Azza wa Jal. Donc il a écrit sur I'lam al-Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin. L'information donnée à ceux qui signent au nom du Seigneur des mondes. Al-Wujub ittiba'i s-Sahabati min al-Salaf. Wa nadhkuru tarafan min al-Adilla. Donc il a mis un chapitre sur l'obligation de suivre les compagnons parmi les prédécesseurs. Et, Cheikh il dit, Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafizahullah, nous allons citer quelques points, quelques citations, quelques arguments ramenés par l'imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah. Famille d'Alika, parmi ce qu'il a ramené dans son livre, Qawlullahi ta'ala, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dans ce verset, dans le sens du verset, et si ils viennent, ils au pluriel, en français, comme vous le savez, le pluriel commence à partir de deux. En arabe, à partir de trois. Parce qu'entre les deux, il y a ce qu'on appelle al-muthanna, c'est le duel. D'accord ? Donc dans la conjugaison, ça ne se fait pas de la même manière. Alors qu'en français, on a le singulier et le pluriel. D'accord ? Donc, wa in jahadaka, les deux. Ici, il est voulu les parents, le papa et la maman. Et si ces deux viennent à s'efforcer, à te combattre pour que tu m'associes ce dont tu n'as pas connaissance, alors ne leur obéis pas. Voilà ce qui t'est demandé. Toi l'enfant qui vit ce problème-là, toi l'enfant qui vit ce calvaire, c'est un calvaire, avec tes propres parents, là ce n'est pas n'importe quelle personne, ce sont les parents. Qui nous parle ? Allah tabaraka wa ta'ala. Notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il t'est demandé ? Il t'est demandé seulement de ne pas leur obéir. Tu ne réponds pas favorablement à leur demande. Là, il y a désobéissance parce qu'il te demande de faire ce qu'Allah a interdit. Et au même moment, et accompagne-les convenablement dans cette vie d'ici-bas. À méditer, pour beaucoup. Ceux qui vivent ce problème-là, et surtout, parmi les convertis, voilà la réponse. Ce n'est pas chez Daesh que vous allez trouver cette réponse. Qui appelle l'enfant à tuer ses propres parents. Même lorsqu'ils sont musulmans. Subhanallah. Naam. Ils contredisent les textes religieux. Voilà comment on se comporte. Jamais les sahaba n'ont compris ça de l'enseignement du prophète. Jamais. Et chacun, et les problèmes qu'ils vivaient. Il y en avait qui avaient des problèmes avec leurs parents, avec leurs enfants, avec leurs frères, avec leurs sœurs. Naam. Donc, voilà. Tu n'obéis pas à l'interdit parce que tu dois rester dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et tu n'as pas le droit de désobéir au Créateur pour satisfaire la créature. Mais le Créateur, il te demande d'être bon envers eux. Ce qu'ils font, ils auront des comptes à rendre. Mais toi, voilà ton comportement. Tu dois être bon envers eux. Bon envers eux. Les gens, il faut apprendre. Si on ne sait pas, on apprend. Comment on se comporte avec nos parents. Qu'Allah nous pardonne. On ne dit pas qu'on est à la hauteur, mais l'enseignement, il est là. On dit la vérité. Voilà ce qui est enseigné par l'islam. Si on savait ce que l'islam demande dans le comportement enfant-parent, wallahi, c'est très dur. Tu lis les récits des salafs. Lorsque l'un il dit, il est qui pour toi lui? Il dit, c'est mon père. Alors, il lui dit, Abu Huraira radiallahu anhu, ne l'appelle jamais par son prénom. C'est un manque de respect. Ne t'assois jamais avant lui et ne marche jamais devant lui. Subhanallah. Si tes parents, je résume un peu, on retrouve cela dans les textes. Si tes parents, ils font un effort pour te satisfaire, de te parler d'une manière qui ne va pas te mettre en colère, eh bien tu es désobéissant. Si tu as poussé tes parents à chercher les mots pour ne pas te mettre en colère, tu es désobéissant envers tes parents. Parce que tu les obliges à se comporter d'une manière qui n'est pas leur nature. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas te blesser, parce que tu es mauvais. Tu vas lever la voix, tu vas claquer la porte, tu vas. Donc eux, ils font tout pour manier, pour pouvoir gagner ton cœur. Et bien si ça en arrive qu'à ça, et bien tu es désobéissant. Tu dis seulement ouf. Ouf. Tu es désobéissant envers tes parents. Tu es mauvais envers tes parents. Alors que dire de tout ce qui va au-dessus de ouf? Subhanallah. Et dans le Coran, c'est bien ce qui est cité. Wala taqul lahuma uffin. Et ne leur dis pas ouf. Subhanallah. Ça ne se traduit pas. Hein. Tout le monde dit ouf. Dans toutes les langues. Donc, c'est très important de connaître. Les gens se plaignent. J'ai pas de bénédiction dans ma vie. Je rate tout. Et ainsi de suite. Regardez. Il n'y a pas un mal, un malheur qui ne vous touche, si ce n'est parce que vos mains ont semé. Après la semence, c'est la récolte. Donc chacun regarde. Regarde en soi-même. Face à un miroir. Où est-ce qu'il en est? Subhanallah. Donc les gens se plaignent, mais les résultats ne viennent pas. Il y a des règles. Dans les salafs, parmi eux, il y en avait, il disait, je voyais le résultat de mon péché dans le comportement de ma bête, dans le comportement de mon épouse. Subhanallah. Hein, il voit, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il réfléchit, il dit, ah, ça c'est le résultat de quelque chose que j'ai commis. Subhanallah. De se remettre en cause. Donc là, les gens se plaignent. Ouais, mais moi, les femmes. Parce qu'on vit une époque difficile. Les femmes. Hein, elles aiment leur indépendance. Même des sœurs qui disent, on suit le kitab wa sunna. Le kitab wa sunna, Allah, il a dit, wa qarna fi buyutikun. Et restez dans vos demeures. La femme, elle veut partir dans sa demeure. Alors, son père, il ne peut rien dire. Pour ne pas la perdre, pour pas avoir quoi comme problème, il va la laisser. Voilà. C'est pas parce que tu as envie de faire quelque chose que obligatoirement tu vas le faire. Non. Moi je vois des fois à Ramadan, on est en voiture, on est des hommes. Bien. Des fois on a des craintes d'être dans un endroit, dans la nuit. Les femmes, on a l'impression qu'elles ne l'ont pas. 1h du matin, Ramadan maintenant c'est en été. 1h30 du matin, à pied, elle sort de Tarawih, elle rentre, je ne sais pas combien de kilomètres de chez elle. Normal. Après, on va attendre quoi? Une agression. Mais est-ce que l'agression n'est pas recherchée? Ça ne légitime pas. Il ne faut pas faire du mal à quiconque. Mais la personne, elle doit faire attention. Qu'est-ce que tu fais à telle heure? Ce n'est pas un horaire. Une femme chaste, une femme noble, ne fait pas cela. En plus, ce n'est pas obligatoire pour toi. Tu peux rester. Il est mieux préférable pour toi de prier chez toi. Ils veulent aller dans des cours, apprendre. Oui, nous aussi, on a le droit d'apprendre. Et ainsi de suite. Des cours du soir, des cours de je ne sais quoi. Il faut faire attention. Et moi, aujourd'hui, on a plein de moyens. De la maison, elle peut tranquillement écouter et apprendre. Donc, ce n'est pas que l'apprentissage qui est recherché. C'est cet amour de sortir. Subhanallah. Après, il faut faire attention. Donc, combien de parents Même dans les mariages, ils disent je donne, mais au fond de lui, il ne veut pas donner. C'est vrai? Il ne veut pas, mais il dit qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'il le pousse, c'est parce que sinon, ils vont tomber dans l'interdit. Mais au fond de lui, il ne veut pas. Si je dis non, je vais perdre ma fille. Ah là là, ça. Donc, quelle que soit la gravité que vivent les gens, Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné cet exemple de parents qui te demandent de faire la pire des choses à faire. Et c'est quoi la pire des choses? C'est le shirk. Voilà. La pire des choses à faire. Si jamais ils en arrivent, ce n'est pas que tu es chez eux et qu'eux commettent le shirk. Non. Ils te combattent. Ils s'efforcent pour que toi, tu commettes le shirk. Voilà l'exemple qui est donné. Ne leur obéis pas là-dessus. Mais, de l'autre côté, accompagne-les convenablement dans cette vie d'ici-bas. Et suis le chemin de ceux qui reviennent à moi, ceux qui se repentent à moi, puis votre retour se fera vers moi et je vous informerai de tout ce que vous avez fait comme action. Wajhu al-istidlal. Ce verset-là, elle est où? Le point qui nous concerne dans notre sujet, dans ce verset coranique. L'argumentation sur l'obligation de suivre. On n'oublie pas dans quel sujet on est. Donc, il est où le point qui nous concerne? Qala al-imam ibn al-qayyim alayhi rahmatullah wa hadha min al... Donc, Cheikh Abdullah, il dit wa hadha min al-fiqh al-daqiq wa ma yulaqahu illa alladhina sabaru. Et ça fait partie de la précision dans la compréhension des textes. Et ceci n'est donné qu'à ceux qui font preuve de patience et d'endurance. Qal, il dit l'imam ibn al-Qayyim, rahimahullah, kullu sahabati munibun ila Allah ta'ala. Tous les compagnons reviennent à Allah azza wa jal, se repentent à Allah azza wa jal. فَيَجِبُوا اِتِّبَعُوا سَبِيلِهِ. Donc, c'est un devoir, une obligation de suivre leur chemin. Car tous, ils se repentent à Allah Azza wa Jal. Et Allah, il a dit وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. Et suis le chemin de ceux qui se repentent à moi. وَأَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ وَأَعْتِقَادَاتُهُ مِنْ أَكْبَرِ سَبِيلِهِ. Il a mis des kasras. Allahu a'lam, mais je pense que c'est plus des dhamma qu'il y a. C'est une phrase nouvelle. Parce qu'après, à la fin, il dit min akbari sabilihi. Et ces leurs paroles, leurs actes, leurs convictions et croyances font partie, c'est les plus grands points qui font partie de leur chemin. Wa dalil ala annahum munibun anna Allah ta'ala. Et la preuve que tous ils se repentent et reviennent à Allah, c'est qu'Allah il les a guidés. Ya'ni hadahum lil-islam, c'est-à-dire qu'il les a guidés vers l'islam. Wa qad qala, et Allah a dit wa yahdi ilayhi man yunib, dans le sens du verset, et Allah guide vers lui ceux ou celui qui se repent. Ceux qui se repentent. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Salam Ahmadullah. Parce que en fait, la semaine dernière, il m'est arrivé quelque chose. J'ai dit.